1000 utopies surgissent. Rêver demain pour construire. À l'heure noire, se lever pour y voir clair. Je n'ai pas peur. J'entre partout. C'est le soir, les ombres fuient. Le soir m'a rendu sage et fraternel. Eh bien, bonjour Escapadiens. Voilà un nouveau numéro du Carrefour des Utopies avec un homme qui est lui-même un utopiste. C'est-à-dire, c'est un homme très curieux, avec un regard très pointu et très aiguisé, qui observe notre époque et la scrute en profondeur sur tous les aspects qui nous troublent aujourd'hui. Monsieur Léon de Matisse a publié sous son nom un livre qui s'appelle « Crise » qui est sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, il est sorti au début du mois de mars. Au début du mois de mars, bon, qui est un tout petit peu la synthèse de et la gêne, qui participe de toute son évolution personnelle, de toute l'observation que vous avez faite sur ce qui se passe autour de nous. Oui, c'est un livre, effectivement, qui porte sur un sujet relativement important, puisque c'est le sujet de la crise. Et moi, j'appelle ça les 1000 crises. Mais... Voilà, ou des crises, en effet, c'est-à-dire ce qui a commencé en 2007-2008. Qui est devenu visible. Qui est devenu visible, voire quand même qui s'est quand même actualisé d'une certaine manière, qui a quand même commencé d'une certaine manière en 2007-2008 et qui a évolué depuis. C'était une crise financière à l'origine et maintenant c'est une crise de la dette publique dont on voit les effets et les conséquences de manière assez spectaculaire dans des pays comme la Grèce, l'Espagne, etc. Et bientôt peut-être en France. Exactement, et peut-être la France dans pas si longtemps. Voilà, tout ça procède un tout petit peu, il faudrait se replonger un tout petit peu sur l'évolution. Les premières luttes ont été des luttes de territoire pour s'approprier la nourriture et se protéger. Et de petit à petit, avec ce qu'on a appelé le progrès, qui n'est pas forcément un progrès, mais enfin qui est essentiellement technologique et financier, on est passé à l'effet de masse et au rôle des médias. Et là, on arrive avec des individus qui ont du mal à réfléchir. C'est là où les personnes qui ont le courage, les aventuriers de l'esprit, ont une importance dans la mesure où ils nous aident à décrypter cette évolution qui est contrariée, puisque l'évolution de l'être humain est bloquée. Alors, c'est gentil de me compter parmi les aventuriers de l'esprit. Ce que je crois quand même, c'est que, somme toute, un livre, aussi intéressant soit-il, ne convaincra jamais personne, fondamentalement. C'est-à-dire que, pour moi, les raisons qui font qu'un certain nombre de gens peuvent adhérer à un système de pensée, à des valeurs, c'est quand même des raisons assez profondes qui tiennent à leur manière de vivre. Et à leur histoire. À leur histoire aussi. Et je pense, par contre, que c'est pas quelque chose qui peut ne pas changer. Il y a des situations dans lesquelles ce à quoi on se raccroche, ce à quoi on croit, ça peut s'effondrer. Et du coup, on est bien obligé de commencer à penser différemment. Donc, ce livre, il analyse effectivement un certain nombre de choses concernant l'argent, la valeur, le monde contemporain, le capitalisme. Je crois que pour le moment, il va surtout toucher des gens qui sont en lutte contre ce monde, c'est-à-dire qui sont justement révoltés par ce qui se passe. Et précisément à cause de l'évolution de la crise financière et de la crise de la dette publique, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par les gouvernements, il y a des plans d'austérité et il y a des gens qui se révoltent contre ces plans d'austérité. Et je pense que c'est à ce moment-là, au moment de la révolte, que les questions se posent vraiment. Et à mon avis, tenter d'analyser ce monde à travers justement sa critique, c'est mettre à la disposition des gens qui luttent un outil qu'ils peuvent se réapproprier ou pas d'ailleurs, mais s'il leur est utile, ils se le réapproprieront, et ce qui leur permet effectivement peut-être d'aller plus loin en fait dans la révolte et dans la critique. On va rester sur l'analyse pour commencer, puis on passera sur les échappatoires possibles après. Oui, donc cette évolution est quand même liée beaucoup à la monnaie. Et c'est là où votre livre « Crise » est intéressant, parce qu'il nous dit un tout petit peu que la monnaie, c'est la valeur des valeurs, et en réalité, ça pervertit complètement le sens du mot « valeur ». Ah oui, alors le sens du mot « valeur » ici, il n'est pas du tout moral, hein, évidemment. C'est la valeur au sens capitaliste du terme. C'est-à-dire que c'est un sens assez précis, c'est la valeur de la marchandise. Alors effectivement, je pars de la question de l'argent. Pourquoi? Ben parce que l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement quotidien, c'est ce qui nous permet à tous de survivre. Hein, donc voilà, et je pense que personne peut s'en passer, quelles que soient les utopies immédiates qu'on pourrait avoir à cet égard. Par contre, je pense que la crise financière de 2007-2008 et la crise de la dette publique qui viennent d'arriver maintenant ont quand même mis en lumière quelque chose d'assez extraordinaire et qui est que, bien qu'on se serve quotidiennement de l'argent, au fond, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est-à-dire que au moment où il y a eu la crise, en 2008, il y a eu des faillites bancaires, il y a eu la crainte surtout que ces faillites ne viennent en cascade faire s'effondrer l'ensemble du système bancaire. Donc à ce moment-là, les États sont intervenus et ont mobilisé de la monnaie, de l'argent pour les banques, pour les sauver. Et là, tout le monde s'est demandé qu'est-ce que c'était que cet argent, d'où est-ce qu'il venait, comment ça se fait que les États qui n'avaient pas d'argent jusque-là, parce que justement ils refusaient, ou ils baissaient les crédits donnés par exemple à l'aide sociale, puis tout d'un coup, il y avait des milliards qui apparaissaient et qui étaient utilisés pour sauver les banques. Donc, qu'est-ce que c'est que ces milliards? D'où ça vient, oui. D'où ça vient? Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, c'était ça qui était intéressant. Et c'est ce qui est intéressant. Voilà. Alors, essayez de nous expliquer. Ah ben, c'est justement pas explicable en deux minutes. Ce qu'on peut dire sur ce qu'avaient répondu à l'époque les gouvernements, je crois d'ailleurs que c'était ce qu'avait dit le premier ministre de l'époque, Fillon, il avait dit, ah mais cet argent qu'on prête aux banques, par exemple à la Société Générale, en réalité, il va nous être remboursé, ce n'est qu'un prêt. Donc, c'est pas comme l'aide sociale, hein, qui elle est versée à fond perdu, en quelque sorte. Là, par contre, l'argent va revenir. Donc, lui disait, non, il n'y a rien de choquant dans tout ça. Ce n'est qu'un prêt. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cet argent était nécessaire à ce moment-là, techniquement, parce que les banques, lorsqu'elles sont en déficit, elles peuvent se refinancer sur le marché interbancaire, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, elles s'empruntent de l'argent les unes aux autres. Sauf que là, comme il y avait eu la chute d'une banque très importante aux États-Unis, c'est Lehman Brothers, je crois. Oui. À ce moment-là, du coup, il y a eu une espèce de crainte des banques que si elles se prêtent de l'argent entre elles, il y en a une qui fasse faillite, et donc l'argent qu'elles aient prêté à leurs consoeurs... Et qu'on assiste à ce qu'on appelle l'effet domino. Voilà, alors déjà que l'argent qu'elles aient prêté à leurs consoeurs ne leur soit plus remboursé, qu'elles-mêmes, du coup, soient en difficulté et risquent elles-mêmes la faillite. Du coup, cet argent, il n'était plus disponible sur le marché interbancaire, donc il a fallu que l'État le fournisse. Et puis alors, effectivement, pourquoi l'État peut-il fournir de l'argent comme ça? Bah parce qu'en fait, l'État lui-même, il peut emprunter de l'argent et le redonner en quelque sorte aux banques. Pourquoi? Parce que l'État, bien que ce soit qu'il soit très très endetté, les États occidentaux sont tous très endettés à quelques exceptions près. C'est néanmoins celui qui en qui on a le plus confiance en quelque sorte, parce que c'est quand même une puissance, un État. Donc c'est quelque chose qui a priori peut rembourser ses dettes. Donc c'est la raison pour laquelle finalement ces États pouvaient effectivement à ce moment-là aider ces banques. Mais ce qu'il y avait derrière tout ce phénomène, c'est quelque chose qui est quand même assez révélateur, qui est que dans tous les cas, l'État, et ça, ça a toujours été depuis le début du capitalisme, l'État, il est là pour sauver le système capitaliste, et surtout, au cas où celui-ci accuse des pertes, venir financer ses pertes. Autrement dit, on dit socialiser les pertes. Par contre, quand il y a des bénéfices, là, ils sont réservés évidemment à un certain nombre de gens. Donc, privatiser les profits. Et je pense que ce qui a été vraiment sensible à ce moment-là, au moment où les États ont dû intervenir, l'État américain, mais aussi les États européens, c'est justement cet aspect de socialisation des pertes, ou en tout cas des risques, parce que à ce moment-là, cet argent qui a été prêté aux banques, on savait pas s'il allait être remboursé ou pas, dans la mesure où certaines auraient pu faire faillite. Donc, socialisation des pertes et des risques, mais par contre, privatisation des profits. Ça, c'est le fonctionnement normal du capitalisme, mais à ce moment-là, avec ce phénomène-là, on en avait une illustration tout à fait visible. Oui, et l'énorme problème, c'est que les États aussi empruntent à crédit. Alors voilà. Ces crédits changent, bougent. Voilà, alors après, du coup, ça, là, j'ai donné une explication qui reste une explication, disons... générale. Voilà, très générale. Je ne suis pas rentré dans ce que c'est que la création de l'argent. Mais en revenant sur tous ces phénomènes, en expliquant ce qui s'est passé en 2007-2008, ensuite en revenant sur 2010-2011, dans le livre, ça, c'est les toutes premières pages, qui sont des pages peut-être un peu difficiles à comprendre parce qu'on est toujours un peu noyé dans tous ces phénomènes. J'en finis par dire, mais bon, au fond, cet argent-là, comment est-ce qu'il est créé? Enfin, je veux dire, l'État l'emprunte, après, il le prête à d'autres gens qui l'auraient emprunté. Enfin, je veux dire, finalement, c'est quoi la création de l'argent? Comment ça marche, quoi? Enfin, comment ça fonctionne? On vient au virtuel, là, aussi. Voilà. Et alors, cette question, effectivement, de savoir si l'argent est virtuel ou pas. Alors, moi, je pense qu'il n'est pas virtuel du tout. C'est-à-dire qu'il est, en tout cas, il n'est pas plus virtuel que la valeur elle-même. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis dans le livre, hein, si vous pensez que les milliards qui ont été prêtés par l'État américain à ce moment-là aux banques ou par l'État français, par exemple, à la Société Générale, sont des milliards virtuels, alors vous pensez que les 2 euros que vous utilisez pour acheter un pain au chocolat ou 6 œufs, sont également virtuels, hein, parce qu'ils sont pas plus virtuels les uns que les autres. Ils sont pareils, en fait, sur de la monnaie, il est toujours créé de la même manière. Et du coup, c'est ce que je dis dans le livre, hein, si on n'arrive pas à comprendre comment ces milliards qui circulent là, dans la finance, ou qui circulent effectivement dans les États... Qui sortent, on ne sait d'où tout d'un coup, alors qu'il n'y en a pas. Voilà, alors donc si on n'arrive pas à comprendre comment ils sont créés, bah finalement on ne sait pas non plus pourquoi on peut payer son café 1,10€ le matin au comptoir. Voilà. Mais voilà, ça, c'est le gros problème. Comment comprendre ça? Alors, comment comprendre ça? Donc, je rentre ensuite dans le livre, dans une explication des mécanismes de la création monétaire contemporaine. Alors, et là, c'est un petit peu complexe parce que... Enfin non, c'est pas si complexe que ça. Mais disons que en expliquant comment cet argent est créé, après, je me rends compte qu'une fois qu'on a l'explication... j'allais dire économique en quelque sorte, financière de l'existence de l'argent actuel, on n'a pas plus compris au fond ce que c'est que cet argent. Mais enfin, au moins, on sait comment il est créé. Oui. Donc on peut en dire deux mots, hein, tout simplement. Bon, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Bon, c'est très compliqué, mais on peut le dire en deux mots. L'argent actuel, c'est de la dette. C'est-à-dire qu'il est créé effectivement par oui, les banques. Donc c'est du crédit. Voilà. Alors il est créé par les banques. Il est créé par... par deux types de banques, hein, certaines banques un peu particulières qu'on appelle les banques centrales, et d'autres les réseaux bancaires ordinaires. Oui. Donc chacun peut créer son type de monnaie. La banque ordinaire crée de la monnaie ordinaire, et la banque centrale, elle, crée ce qu'on appelle de la monnaie centrale. Donc cette monnaie est créée en contrepartie d'une dette, c'est-à-dire que, par exemple, une banque ordinaire peut financer un découvert souvent d'une entreprise, hein, oui. En créant la monnaie correspondante. Avec des intérêts. Ah oui, bah bien sûr. Donc le profit pour la banque dans la création monétaire, il est dans le fait qu'il y a de l'intérêt qui est remboursé. Enfin, en plus de rembourser la somme qui est prêtée, on rembourse des intérêts en plus. Bah, ça s'appelle une cavalerie. Hein. Alors, pas tout à fait. Donc là-dessus, justement, il faut revenir sur le mécanisme en entier. Ensuite, s'interroger sur le sens du mécanisme en entier. Donc, disons que la banque ordinaire peut créer comme ça de la monnaie ordinaire. Mais par contre, effectivement, quand il s'agit ensuite de monnaie qui doit circuler d'un réseau bancaire à un autre, on va avoir affaire à de la monnaie centrale, donc cette fois qui est créée par la banque centrale. Cette banque centrale, eh ben, elle va agir un peu de la même manière, sauf que elle va utiliser des reconnaissances de dettes qui ne sont pas seulement des dettes à court terme, qui sont des dettes à long terme. Et en particulier, une des choses qu'elle va utiliser pour créer de la monnaie, c'est justement des obligations d'État, c'est-à-dire des reconnaissances de dette d'État. Pourquoi d'État? Parce que les États sont justement un des organismes, enfin les États, pas n'importe quel État, les gros États capitalistes de préférence. Donc ces États-là sont finalement les organismes économiques les plus puissants du monde capitaliste, ceux auxquels on peut le plus faire confiance. C'est pourquoi les reconnaissances de dette d'État, les obligations d'État, comme on dit, font partie dans le portefeuille des banques centrales des valeurs les plus importantes pour créer de la monnaie. Elles peuvent aussi utiliser des reconnaissances de dette qui viennent de l'économie et des devises, mais finalement, l'essentiel, la garantie de la valeur de la monnaie, finalement, c'est la dette de l'État. Alors, je vais vous poser une question toute bête, mais on entend dire que la Banque Centrale Européenne prête à 1% d'intérêt aux banques classiques. Comment peut-on faire ça, qui ensuite reprête à un intérêt beaucoup plus élevé? C'est une question bête, mais je comprends pas là. Ah ben ça c'est tout. Les taux sont même tombés encore plus bas. C'est-à-dire ce qu'on appelle le taux de réescompte ou le taux directeur. Enfin, on peut importer le taux effectivement qui est celui des banques centrales. Il est tombé très très très bas au moment de la crise de 2008. Je crois qu'il était tombé quasiment à 0 ou à 0,25, en particulier pour la Fed, c'est-à-dire la banque centrale américaine. Bah, ce crédit en fait, enfin ces taux là qui sont garantis par les États. Ces taux qui sont utilisés par les banques, c'est tout simplement la manière dont les banques se rémunèrent, c'est-à-dire que c'est ce qui fait pour elles l'intérêt de brasser, d'utiliser de l'argent. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire. Je veux dire là-dessus, je pense qu'il faut bien comprendre ça. Et je le dis pas pour défendre les banques. Je dis juste que à partir du moment où vous avez un système monétaire, un système financier, bah, vous avez bien besoin effectivement qu'il y ait des spécialistes de la création de cet instrument financier, ces spécialistes sont les banques. Il faut bien que ces banques, effectivement, elles aient un intérêt à créer cet instrument financier, donc il faut bien qu'elles soient rémunérées. Et là, on n'est pas encore rentré dans le détail de pourquoi tout ça. On est juste vraiment dans l'explication très générale de comment la monnaie est créée. Mais je voulais simplement dire que l'idée qui consisterait à dire « Ah, il faudrait que les banques soient pas payées », est une idée absurde. Parce que si vous voulez avoir de la monnaie, bah, il faut bien que vous ayez des banques. Et si vous ayez des banques, bah, il faut bien qu'elles soient payées pour qu'elles aient un intérêt à créer de la monnaie et à brasser de la monnaie. Alors nous sommes dans la complexité de l'utilisation de la monnaie. D'où vient la monnaie ? Voilà, alors ce qui est amusant, en tout cas là je viens de donner une explication très rapide sur les mécanismes de création monétaire actuelle. Et puis alors ce que j'ai fait dans le livre, c'est le deuxième ou le troisième chapitre. Mais alors ce qui est amusant, c'est qu'une fois qu'on a eu cette explication, finalement on se rend compte qu'on comprend toujours rien. C'est-à-dire qu'on sait concrètement comment les choses sont faites, on sait que la monnaie est créée en échange d'une reconnaissance de dette. Mais alors, comment ça peut marcher, ça? Vraiment, je pense que les auditeurs, là, qui nous écoutent, ils doivent se dire, oui, mais bon, voilà, j'échange une dette contre de la monnaie contre une dette, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une fois qu'on en est à ce point-là, on n'a toujours rien compris. Alors là, du coup, dans le livre, j'essaye de me dire, bon, bah, mince, quand même, cet argent-là, qui fonctionne comme ça maintenant, d'où est-ce qu'il vient? Donc, je fais un retour historique sur quelles ont été les différentes formes de la monnaie. Alors, je remonte très très loin, hein, puisque... Alors en fait, dans le livre, je commence par envisager les différentes explications, les différentes théories qu'il y a en économie et en sociologie sur l'existence de la monnaie, pour dire que grosso modo, elles sont pas très satisfaisantes. Et donc le retour historique, lui, nous apprend quand même un certain nombre de choses, en particulier que justement la monnaie, le signe de valeur, disons, hein, quelque chose de très ancien, et même, ça c'est intéressant de voir les travaux des anthropologues là-dessus ou les travaux de Marcel Mauss par exemple, et même il semblerait que le signe de valeur existait avant la notion d'échange, c'est-à-dire que finalement l'objet social, hein, qui l'objet investi comme ça d'une espèce de puissance sociale, de puissance de valeur sociale, servait avant même que les échanges se développent, servait déjà à des échanges, disons, symboliques. Par exemple, vous pouviez avoir un talisman qui était en quelque sorte une forme de paiement pour les dieux. Hein. Ou un sceau qui garantissait... Oui, mais avec déjà cette notion d'échange, mais pas la notion d'échange comme la notion d'échange économique qu'on imagine maintenant, plutôt quelque chose qui servait en fait symboliquement à donner une valeur à un objet. Et alors, pourquoi je dis ça, c'est juste parce que justement, on explique souvent la monnaie comme quelque chose qui a été créé par commodité, c'est-à-dire qu'au début, il y aurait eu le troc, et puis après, on se serait dit, tiens, ça serait quand même beaucoup plus simple si on utilisait la monnaie, etc. Alors, c'est vrai que oui, effectivement, je pense que les échanges ont pu se développer grâce à la monnaie, mais ce qui est intéressant avec ces points de vue sur la monnaie, justement, très anciens, c'est de voir que la monnaie a préexisté, en fait, à l'échange. Donc, elle n'est pas née comme quelque chose qui servait, dire, pour des raisons économiques. Elle est née d'abord, et c'est mon point de vue, comme un signe de puissance sociale. C'est-à-dire qu'elle est née d'abord en termes, on va dire, de domination. Pour moi, la monnaie, d'entrée de jeu, avant d'être un objet utile, en quelque sorte, à la société, ça a d'abord été un objet de domination, l'élément de domination d'un groupe sur un autre. C'est-à-dire que c'était un objet investi d'une puissance sociale qui permettait d'exprimer, de représenter en quelque sorte le rapport de domination, le rapport social de domination que certains individus ou certaines personnes pouvaient avoir par rapport à d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve important parce que ça permet de dire que la monnaie et la valeur sont pas des choses qui ont été créées comme ça par commodité et donc on pourrait pas s'en passer. Ça permet de dire non, la monnaie et la valeur, c'est quelque chose qui dès le début a exprimé la domination d'êtres humains sur d'autres êtres humains. Et donc si on veut, si on a le projet, pourquoi pas, d'essayer de se débarrasser des dominations qui existent, eh ben, il faut penser aussi à se débarrasser de celle-là. Ça, c'est le côté utopiste, peut-être. C'est la plus difficile à éradiquer. C'est vrai. Alors, donc, voilà. Donc, je remonte sur ces signes de valeur. Et puis ensuite, effectivement, je vois comment, enfin, j'essaye de décrire comment la monnaie évolue à travers les siècles, comment elle a été au moment où, c'est vrai, elle a quand même servi à ce que se développent les échanges, où elle s'est créée en même temps, en quelque sorte, que le développement des échanges du commerce. Donc ça peut être très ancien, ça existait dès l'Antiquité. À ce moment-là, donc, elle C'était la route de la soie, c'était... Au Moyen-Âge, oui, l'Antiquité, enfin, il y a eu tout ça, le capital commercial, disons, tout ça s'est développé il y a très longtemps. Et à ce moment-là, eh bien, la monnaie pouvait être une marchandise, qu'elle était souvent, par exemple un métal précieux. Donc, il y avait la même valeur, enfin, qui avait une valeur en tant que marchandise, comme les objets, les marchandises qui étaient échangées par ailleurs. Et puis déjà, les pierres précieuses, ou enfin les pierres précieuses, enfin tout ce qui pouvait servir à l'échange et qui était, alors qu'il y avait voilà un certain nombre de qualités, c'est-à-dire qui étaient des marchandises qui étaient inaltérables, qui étaient éventuellement divisibles, enfin voilà le métal précieux. Et qui était rare. Qui était suffisamment rare pour qu'elles aient une certaine valeur. Hein, qu'est-ce que vous pouviez aussi imaginer d'échanger quelque chose qui vaut pas, enfin je sais pas, un métal moins précieux, mais à ce moment-là il aurait fallu des quantités énormes, donc ça devenait beaucoup moins commode. Mmh. Bref, donc on sait pourquoi certaines marchandises ont pu finalement être de la monnaie. Mais dès le Moyen-Âge, il y avait déjà l'idée de la reconnaissance de dette. Oui, les lettres de change. Les lettres d'échange, etc. Donc ces différentes formes de la monnaie ont existé finalement il y a très longtemps. Au 19e siècle, on a inventé un système où la monnaie marchandise, c'est-à-dire la monnaie métal précieux, était quand même à la base de la totalité du système. Parce que à ce moment-là, il y avait eu justement, dans les siècles qui précédaient, plusieurs petits soucis avec la monnaie qui n'était que signe de valeur ou que reconnaissance de dette. C'est-à-dire qu'il y avait eu plusieurs faillites assez retentissantes. Donc on se méfiait beaucoup de ces choses-là. Donc on voulait absolument que la monnaie soit fondée sur une marchandise bien palpable. Donc à ce moment-là, l'or était à la base, en fait, du système monétaire et du système des banques. Et puis, au cours de l'évolution du capitalisme, au 19e et 20e siècle, petit à petit, on a pu se passer de cette base finalement de marchandises et on a pu passer au système contemporain, tout simplement parce qu'on a développé des formes que la monnaie possédait déjà, hein, la forme signe de valeur et la forme dette, on a pu les développer jusqu'à... Mais sans contrepartie précieuse. Voilà, hein, donc ça c'est une évolution qui s'est faite au cours du 20e siècle. C'est assez récent, oui, oui. Ouais, c'est une évolution progressive, hein. C'est-à-dire que ça, bon, alors là, je vais pas revenir sur toute l'histoire de la monnaie, mais déjà au 19e siècle, il y avait de toute façon les banques centrales, les banques, d'une manière générale, pouvaient émettre plus de papier-monnaie que elles ne possédaient d'or dans leurs réserves. Hein. Il y avait déjà, on imagine. C'était les banques d'État. Alors, c'était pas des banques d'État à l'origine. Hein. C'était des banques tout à fait privées. Mais l'État au 19e siècle a petit à petit pris le contrôle de ces banques. Hein. Les banques centrales, c'est pas des banques d'État, c'est les banques des banques en fait. C'est plutôt ça l'idée de la banque centrale. Une sorte d'assurance. Voilà, une sorte de banque qui sert aux autres banques. C'est ce qu'elle est toujours, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ces banques ont reçu le monopole de la création de monétaire, d'une part, et d'autre part, l'État a progressivement pris le contrôle sur elles, mais très progressivement. On sait, par exemple, que la nationalisation partielle de la Banque de France, c'est quand même 1936, c'est le Front Populaire, donc c'est quand même très tardif. Donc ces banques centrales, en tout cas, elles avaient quand même une part de la puissance publique parce qu'elles avaient un monopole d'émission de la monnaie. Et elles pouvaient émettre plus de monnaie dès le 19e siècle, plus de papier-monnaie que d'or elles avaient dans leur coffre. Mais à l'époque, néanmoins, il y avait un lien entre les deux. C'est-à-dire, vous aviez un billet de banque, vous pouviez normalement, c'est ce qu'on appelle la convertibilité, transformer votre billet de banque en monnaie marchandise, c'est-à-dire en or. Et puis petit à petit, au cours du XXe siècle, avec les guerres, avec un nombre de choses qui se sont passées, la contrepartie en or a commencé à disparaître, elle commençait à devenir de plus en plus évanescente. Il y a eu un moment où on passait par le dollar, c'est-à-dire que le dollar, lui, était convertible, et vous aviez des monnaies qui, elles, étaient convertibles en dollars, lui-même convertible en or, donc vous avez une espèce de convertibilité comme ça, un petit peu plus lointaine. Et puis, en fait... Il y a un exemple qui a frappé toutes les imaginations, c'est les assignats. Ah oui, alors ça, c'était justement bien bien longtemps avant. C'était justement fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution. Et c'est justement parce que à l'époque, on avait tenté de créer une monnaie papier qui reposait pas sur une marchandise aussi, palpable que l'or. Oui. Les assignats reposaient sur la valeur des biens nationaux, c'est-à-dire des biens du clergé qui avaient été saisis par l'État révolutionnaire. Or, justement, ces assignats, ils se sont effondrés. C'est pour ça qu'au XIXe siècle, on voulait absolument que le papier-monnaie repose sur la convertibilité et l'or. Mais au XXe siècle, donc, ce que j'étais en train d'expliquer, ça a changé. C'est-à-dire que du coup, pour plein de raisons, on a commencé à se passer de l'or. Et l'évolution finale, elle apparaît dans les années 70, lorsque Richard Nixon, au début des années 70, reconnaît que le dollar est plus convertible en l'or. À ce moment-là, il n'y a plus de monnaie convertible en or, donc l'or, de fait, n'est plus la référence. C'est Bretton Woods, là. Bretton Woods, c'est 44. Mais 42, oui. Bretton Woods, c'est une étape, en fait, oui. Dans ce passage où, petit à petit, l'or cesse... À la virtualité complète de Voilà. Voilà, enfin, de la monnaie. Sinon, sa virtualité, du moins le fait qu'elle ne repose plus sur la monnaie marchandise. Oui. Mais en fait, elle n'est pas virtuelle. En fait, elle repose quand même sur quelque chose qui est tout à fait concret dans le monde du capital, qui est la valeur des marchandises elles-mêmes. Structurale, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en tout cas, cette monnaie n'est plus convertible dans une monnaie marchandise. Il n'y a plus de référent monnaie marchandise, de référent or à la monnaie contemporaine. Donc cette évolution, je l'explique dans le livre. Et puis alors... Une fois que j'ai expliqué tout ça, je dis, mais finalement, encore une fois, on n'a toujours pas compris. Enfin, on comprend maintenant comment on en est arrivé là. On comprend que finalement, on est passé par plein d'étapes. Mais pourquoi tout ça vaut-il quelque chose quand même ? Le gouvernement et les partis officiels d'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, nous ne donnerons pas cette parole et c'est à nous de savoir comment faire entendre notre voix. Il ne faut pas se battre avec leurs outils à eux parce que ceux qui les ont inventés, c'est leurs règles du jeu, c'est eux qui les maîtrisent. Et si tu veux être sûr de perdre un jeu, joue avec celui qui a inventé la règle. Chacun sa case et on oublie la lutte humaine. Colonisation trop subtile, si je lutte contre la machine, pourquoi utiliserais-je les règles? Apartheid de social et culturel, le changement. Il ne viendra pas d'en haut, on l'a compris. La guerre aux pauvres est déclarée. Nos institutions ne sont qu'au service de l'ennemi. Arrêtons de coopérer. Arrêtons de coopérer. Là, en face de nous, des gens qui sont pas dans la même volonté d'arranger les choses. Ayons confiance dans notre capacité à créer des choses nouvelles. La vie de ceux que j'aime, elle est en danger, t'as vu? Parce que quand la police, elle est supposée nous protéger, qu'est-ce qui nous protège d'eux? Personne. La chasse à l'étranger voulue par Nicolas Sarkozy et son gouvernement s'accélère. Cette politique n'est qu'un copier-coller de celle de l'extrême droite. Ça expulse des familles, des familles. De plus en plus de répression. Les infos se resserrent, de plus en plus de répression. Caméras de surveillance, de plus en plus de répression. Réapproprions-nous nos vies. Nos vies. On a besoin de créer de nouvelles choses. Dans vos partis et syndicats, vos militants ont trouvé leur opium. C'est visé à un système qui soit horizontal, donc tout le monde aurait du pouvoir sur sa vie. La politique se la réapproprier, la parole se la réapproprier, la rue se la réapproprier, les maisons se les réapproprier, se réapproprier tout. Désobéissant, fascisme institutionnel. Désobéissant, arrêtons de coopérer. Désobéissant, on est la force de leur machine. Désobéissant, le changement viendra d'en bas, d'en bas, d'en bas. Autre chose et autre nom. Ils ont le chiffre, on a le nom. Balayons les doctrines de Babylone. Mais ce qu'il faut, c'est réinventer son métier. On doit comprendre que pour se défendre, il faut se rassembler. Mais il faut se rassembler, il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi. Surtout, n'ayez jamais pensé qu'on est isolé, parce qu'on est connecté, on est des millions. Construire quelque chose par l'autre. C'est pas qu'en France, tu vois, c'est partout dans le monde la même, parce que c'est partout dans le monde le même système de merde. Il n'y aura pas de changement si la forme ne suit pas le fond. Si nos méthodes d'organisation restent les mêmes, on reproduira les mêmes erreurs. Nous sommes toujours sur Radio Escapade avec Léon de Matisse, qui a écrit ce livre qui s'appelle « Crise au pluriel » aux éditions Entremonde et qui coûte 12 euros. Et 12 euros, ça vaut vraiment, ça a de la valeur. Parce que ça nous comprend, ça nous fait comprendre ce que c'est que la valeur. Voilà, alors, au sens monétaire du terme, bien sûr. Voilà, au sens monétaire. Bah voilà, en fait, une fois que donc, comme on a vu au début de cette émission, une fois qu'on a expliqué un petit peu qu'est-ce que c'est que la monnaie contemporaine, comment elle est créée, qu'on est revenu un peu dans l'histoire sur comment elle a évolué au fond au cours des siècles, cette monnaie, et surtout comment elle a évolué depuis les débuts du capitalisme en tant que mode de production, c'est-à-dire depuis deux siècles, eh ben on se demande toujours finalement qu'est-ce qui donne sa valeur à la monnaie. Et là, j'en arrive finalement à ce qu'il y a quelque chose, bon, qui est assez classique, hein, mais que je trouve toujours très important, c'est-à-dire à la seule explication, personnellement, que je trouve satisfaisante de la question de la valeur de la monnaie et de la valeur tout court, qui est l'explication de Karl Marx. Mmh. Donc, je cacherai pas, hein, pour nos auditeurs, que c'est un livre qui est quand même extrêmement inspiré par les théories de Marx. Qui, de toute façon, redevient à la mode. Mais pour de très bonnes raisons. Oui, ben c'est évident. Et donc j'explique que finalement la manière de comprendre la valeur de la monnaie et la valeur tout court, c'est quand même chez Marx qu'on trouve la manière la plus satisfaisante. Alors avec un petit bémol au début, en disant justement que Marx était très attaché sur la question de la monnaie, enfin il était très attaché, il mettait beaucoup en avant l'explication de la monnaie par la monnaie marchandise, c'est-à-dire par l'or. Tout simplement parce que Marx a écrit à cette époque-là, à son époque, au 19e siècle, et qu'au 19e siècle, c'était quelque chose qui était important pour tout le monde, hein, pas seulement pour Marx, de penser que la monnaie se fondait sur une marchandise particulière. Alors, malgré ce petit souci, donc j'en viens à essayer de comprendre la question de la valeur en général, pas seulement de la valeur de la monnaie, donc la valeur des marchandises, l'existence des marchandises, et en reprenant, alors d'une manière un petit peu différente, mais bon, ça c'est pas très grave, les explications de Marx, j'en reviens à ce qui était son explication un peu canonique de l'existence de la valeur des marchandises, qui est tout simplement le travail, l'activité humaine qui se cristallise en quelque sorte dans la marchandise et qui ensuite, effectivement, est, comme le dit lui-même Marx, la substance de la valeur. Voilà, donc là, je vais peut-être pas m'attarder là-dessus parce que c'est connu. En même temps, je fais une explication de la valeur qui passe par l'idée de la circulation, ce qui n'est pas du tout la manière dont Marx lui-même présente les choses, mais parce que je crois que pour bien comprendre justement les évolutions monétaires, il faut comprendre aussi la valeur comme quelque chose qui se crée en quelque sorte dans la circulation, dans l'échange, et plus précisément dans la circulation et l'échange entre justement le travail, l'activité humaine devenue travail, et le capital. Donc ça, c'est quelque chose que je développe à peu près au milieu du livre. Et j'en arrive ensuite à dire, bon ben, cette valeur, effectivement, en un sens, elle est virtuelle. Jamais personne n'a pu toucher de la valeur. La valeur des choses n'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais elle s'exprime de manière tout à fait objective, de manière tout à fait commune, j'achète, à travers justement, par j'achète. Voilà, je l'achat, t'achète. La vente, l'échange de la monnaie. Et donc, finalement, si on devait considérer la monnaie elle-même et la monnaie dette comme virtuelle, on devrait considérer aussi la valeur des marchandises comme quelque chose de totalement virtuel. Voilà. Donc, si par contre on admet que c'est à la base même de l'existence de la société contemporaine, dans ce cas-là, on comprend bien que la valeur des marchandises n'est pas plus ou pas moins virtuelle que la valeur des milliards qui sont échangés entre les banques centrales, dans les produits financiers, etc. etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi de comprendre cette valeur qui est valeur circulante. Comment est-ce que effectivement, à partir du moment où la monnaie est toujours dans la circulation, à partir du moment où elle est tout le temps justement dans l'échange, comment est-ce qu'elle peut n'être que dette? Au fond, on comprend que oui, ce n'est oui. Pierre qui roule. Au fond, on comprend que la valeur elle-même ne peut exister que s'il y a circulation, et que plus précisément, la valeur dans le capitalisme, elle existe parce que on est enfin les capitalistes achètent une certaine marchandise, la marchandise travail, achète la force de travail, disons, achète également un certain nombre de tout ce qui est créativité, tout ce qui innovation, etc. Ils achètent également des moyens de production, des matières premières, et puis ils en font une marchandise, une autre marchandise qu'ils cherchent à revendre. Et donc là-dedans, il y a une notion de profit. Ils ne feraient pas tout ça si c'était pas pour accroître la valeur au cours de ce processus productif. Et donc l'existence de la valeur est liée à l'existence de l'accroissement de la valeur d'une certaine manière. J'essaye d'expliquer ça à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y avait pas de cette nécessité de cet accroissement, il n'y aurait pas de valeur du tout. L'un et l'autre sont deux phénomènes totalement liés. Par conséquent, la monnaie peut elle aussi exister en circulant tout le temps, et le crédit, plus précisément pardon, les intérêts qui sont payés pour le crédit représentent cet accroissement nécessaire, mais qui est aussi l'accroissement de la valeur. Autrement dit, il y a une image qui est la monnaie en quelque sorte l'image du processus productif lui-même dans son ensemble. C'est pas parce que c'est ce que je dis, hein, c'est pas parce que les banques demandent de l'intérêt qu'il faut que il y ait tout le temps de la monnaie qui circule et qu'il y ait tout le temps un accroissement des capitaux qui circulent. C'est le fonctionnement même de la valeur dans le capitalisme qui impose ça. Et du coup, on peut comprendre que la monnaie puisse avoir cet aspect de dette à partir du moment où, à la base même du processus capitaliste, il faut de toute façon un accroissement de la valeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'une certaine somme augmente. Donc, puisqu'elle doit augmenter, eh bien, elle peut augmenter aussi bien. Elle augmente dans le processus productif, mais elle augmente aussi dans les circuits financiers. Alors après, elle augmente pas de la même manière. Dans le processus productif, c'est là qu'elle est en fait réellement créée, la valeur en surplus. Et dans le circuit financier, ensuite, elle ne fait que circuler, se distribuer. Mais sans frais, enfin encore que les banques ont quelques frais, mais... Non, sans frais. Ah, sans flé, pardon, j'avais pas entendu, oui. Ah oui, oui, bah, de toute façon, c'est, voilà, donc de toute façon. C'est un processus totalement artificiel. Alors, il est pas artificiel, oui. Il est pas artificiel parce que c'est difficile. Ouais, il est pas artificiel parce qu'il est nécessaire au fonctionnement de la valeur même. C'est-à-dire que la raison pour laquelle la valeur s'accroît, c'est que sans accroissement, il n'y a pas de raison que la valeur existe. Donc, c'est du coup, le fait d'exister fait qu'elle s'accroît. Et par conséquent, la monnaie qui peut elle-même aussi, dans les circuits financiers, circuler et s'accroître, s'enfler effectivement, cette monnaie, elle peut également exister de la même manière, c'est-à-dire d'une manière d'accroissement qui se voudrait infinie. Mais ce que j'essayais de dire quand même, ce qui est important, c'est que dans les circuits financiers, effectivement... l'argent nominalement augmente, mais au fond, la valeur en tant que valeur travail, elle n'est créée que dans le processus productif. Donc, oui, c'est vrai alors... que dans les circuits financiers, c'est plutôt cette valeur créée dans le circuit productif qui vient se répartir en quelque sorte, rémunérer d'une certaine manière le financier. Et il n'y a pas de création de valeur en tant que valeur productive dans les circuits financiers d'accord, eux-mêmes. D'accord. Autrement dit... cette valeur supposée de la monnaie détruit sa valeur en même temps. C'est un processus destructif là-dedans. Elle la détruit pas, mais elle l'accapare. C'est-à-dire que pour rémunérer en quelque sorte les circuits financiers, pour le dire comme ça, hein, pour qu'il y ait une rémunération de l'intérêt, il faut qu'il y ait une production de valeur dans le circuit productif plus importante, de manière à ce que cette valeur produite dans le circuit productif vienne ensuite se répartir dans les circuits financiers. Oui, mais enflée. Enflé, oui, mais ce que j'essaye de dire, c'est que de toute façon, dans le circuit productif, il faut qu'elle augmente. Donc, oui. C'est le phénomène est inverse. On a parfois tendance à dire, finalement, si les banques ne demandaient pas autant d'intérêts, si les financiers ne demandaient pas autant d'intérêts, autant d'agio, on n'aurait pas besoin de produire autant. Mais en fait, non, les choses sont inverses. C'est parce que dans le circuit productif lui-même, il faut qu'il y ait augmentation de toute façon de la valeur pour que la valeur existe. C'est pour cette raison-là que, du coup, ça devient possible, effectivement, dans les circuits financiers, qu'il y ait de l'intérêt qui soit demandé. Et non seulement ça devient possible, mais en fait, si on étudie la totalité du processus, on se rend compte que sans le circuit financier, l'existence même de cette valeur circulante dans le processus productif serait impossible. Donc, d'une certaine manière, c'est pas parce que les banques demandent des intérêts qu'on a un accroissement infini de la production dans le capitalisme, c'est parce qu'on a un accroissement infini de la production dans le capitalisme, qui est quelque chose qui est nécessaire au capitalisme lui-même, qu'on peut avoir ce système de banque qui demande des intérêts. Autrement dit, je renverse, dans mon esprit, j'essaye de renverser le rapport cause et conséquence, et de bien montrer que c'est à cause du phénomène productif lui-même dans le capitalisme qu'il y a cette inflation, en quelque sorte, cette croissance infinie, et non pas à cause des phénomènes financiers. Les phénomènes financiers, ils ne viennent que représenter cet aspect-là. Ils le représentent de manière, très visible, très paradoxale. Et on a vraiment une impression, effectivement, de virtualité, de quelque chose qui a aucune raison d'être. Et en fait, si, ça a une raison d'être, et cette raison d'être, elle est dans le processus productif lui-même du capitalisme. Et ça va très loin, parce que dans la mesure où on peut tout acheter, on achète maintenant les ressources naturelles, on pille la planète et on détruit les hommes parce que... Ouais, et cet aspect-là... Le travail et le chômage, etc. Enfin bref, tout ce qui se passe actuellement dans nos sociétés... C'est une conséquence. Oui, en ce qui concerne justement les ressources naturelles, etc. Je crois que justement, enfin, c'est l'idée du capitalisme, c'est que c'est un déséquilibre dynamique. C'est-à-dire que comme il lui faut tout le temps un accroissement, cet accroissement, eh bien, il lui impose en quelque sorte à ce système de sans cesse croître. Et du coup, quand bien même, enfin moi je crois pas du tout, je sais pas, au complot ou au fait que les capitalistes voudraient saccager la planète. Il y a une logique sociale. Comme il faut de toute façon s'accroître, eh bien, il faut prendre des risques. Et comme il faut prendre des risques, j'allais dire statistiquement, un jour ou l'autre, le risque maximum sera pris. Je pense qu'on s'en approche déjà très rapidement. Il y a des dégâts sur la planète actuellement qui sont incommensurables. Voilà. Et la question, c'est de savoir quand ils seront irréversibles. Et justement, comme de toute façon, le capitalisme ne peut pas aller dans un autre sens, il est obligé de s'accroître, il est obligé d'accroître la valeur. Et donc, puisqu'il est obligé d'accroître la valeur, il est obligé d'accroître la production, et donc il est obligé de piller les ressources, eh ben, pour exister, hein, simplement, pour pouvoir continuer à exister en tant que système capitaliste, du coup, il n'a pas le choix. Puisqu'il fait ça, alors il fait prendre des risques absolument délirants. Et un jour ou l'autre, évidemment, il va atteindre... une de ses limites naturelles, enfin naturelles entre guillemets, c'est-à-dire une limite tout simplement des ressources naturelles, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que d'aller dans le mur et de nous emmener avec lui. Mais alors, on est dans le paradoxe des paradoxes, là. Comment trouver une logique qui puisse s'opposer à cette logique-là, voilà, qui est le mur de l'argent? C'est une bonne question, mais en même temps, ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que quand on présente les choses comme je viens de les présenter, on a un petit peu l'impression que bon bah ce système il est un peu fou, il s'impose à tout le monde et personne n'en est responsable. Alors d'un certain point de vue, c'est vrai que le système est un peu fou et qu'il a sa logique à lui. Mais de dire que personne n'en est responsable, là je serais pas d'accord parce que en même temps, il y a des gens qui sont quand même produits dans ce monde-là comme dominants. Et d'autres qui sont produits comme dominés. Et ceux qui sont produits comme dominants, c'est quand même ceux à qui justement le système de l'argent, le système de la valeur, va rapporter le plus, c'est-à-dire la classe capitaliste. Ça a toujours été un signe de domination, parce que déjà quand il s'agissait de vendre le contenu des greniers à Sumer ou dans les cités, c'est une façon de dominer la tribu d'en face. Tout à fait. La monnaie, le trésor a toujours été l'expression d'une domination. Simplement, la différence qu'il y a entre les périodes précédentes et maintenant, c'est que dans les périodes précédentes, en gros, le travail, il était approprié par des systèmes d'esclavage, et de servage. Surtout, on le comprenait. Il était incarné par l'intendant... par l'émissaire du roi, alors que maintenant il n'est plus incarné. Oui, c'est vrai qu'il était donc à cette époque-là, il y avait effectivement des liens personnels, souvent qui existaient sous la forme de liens personnels, hein, de dépendance par exemple à l'égard d'un seigneur. D'identification tout et simplement. Et donc d'identification à l'égard d'un seigneur. Et donc ces liens personnels, c'était ça les liens d'exploitation, c'est-à-dire que le serf devait donner à son seigneur une partie de sa production, et le seigneur ensuite effectivement pouvait accumuler le trésor, mais le trésor était le signe de sa puissance. Mais c'était pas par cette valeur qu'il pouvait exercer cette puissance. C'était en quelque sorte simplement sa représentation. Maintenant, et c'est ça la différence depuis que le capitalisme est mode de production, la valeur ne sert pas seulement à montrer la puissance des uns, mais elle leur sert aussi, comme elle a la cosite pour fonction, de les faire dominer. C'est-à-dire que le fait d'intégrer cette valeur dans le processus productif pour ensuite en retirer plus, etc., etc., c'est ça qui fait qu'ils sont dominants. C'est parce qu'ils sont capitalistes, qu'ils ont des capitaux, qu'ils investissent, qu'ils payent leurs ouvriers ou les prolétaires d'une manière générale et qu'ils en retirent un profit. Donc, autrement dit, ce système, maintenant, la valeur, elle n'est pas seulement l'expression de la puissance, mais elle est aussi et surtout le moyen de la puissance. Et donc, en tant que moyen de la puissance, elle impose des choses qui sont des choses délirantes à tout le monde, y compris à ceux qui sont les dominants. Mais d'un autre côté, elle continue évidemment à les servir en tant que dominants, c'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup d'argent ont beaucoup de puissance sociale. Ils ont chaque unité monétaire est une expression de la puissance sociale, une fraction de la puissance sociale concentrée. Et donc, quand on peut en dépenser beaucoup, ça veut dire qu'on a beaucoup de puissance, évidemment. Et cette puissance-là, elle est quand même entre les mains d'un certain nombre de gens. Alors, ces gens-là n'ont pas les moyens de modifier ce qui fait d'eux des dominants. Ils sont soumis à la loi de la valeur comme les autres. Ils sont pris dans la logique. Ils sont pris dans la même logique. Ils sont dans ce tissu. Sauf qu'ils sont quand même dominants. C'est-à-dire qu'ils ont quand même plus de pouvoir que les autres. Ils n'ont pas le pouvoir de changer les règles de la valeur, mais par contre, ils dominent l'État, ils dominent effectivement de manière impersonnel au sens où c'est pas lié à leur statut social en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont comme autrefois les héritiers des seigneurs qui ont je sais pas une particule. Somme toute, n'importe qui entre guillemets fait fortune peut devenir impuissant. Simplement après, il y a des mécanismes de reproduction sociaux, des héritages, oui, etc. Bon, oui, ça, on les connaît et on va pas rentrer dans le détail. Mais bien entendu, c'est pas non plus n'importe qui devient dominant n'importe quand. Ça, c'est évident. Mais en tout cas, effectivement, c'est plus lié à une question de statut juridique spécifique. C'est lié simplement à la possession du fragment de la puissance sociale qu'est la monnaie. Mais simplement, c'est absolument certain qu'il y a des gens qui sont des dominants et qui ont donc intérêt à ce que ce système délirant continue à exister et continue à exister pour eux. Donc, je pense que si quelque chose devait changer là-dessus, ça consisterait déjà, pour commencer, ça passe forcément par un affrontement avec ce qui est à la base quand même de la domination, c'est-à-dire l'État et un certain nombre de choses comme ça qui sont entre les mains de ce système, entre les mains de ces dominants. C'est-à-dire ça se traduit actuellement, pour être concret, par le harcèlement au travail et les suicides d'un certain côté, et la rigueur dans d'autres, où c'est encore pire, puisqu'on arrive à des gens qui peuvent plus se soigner, qui peuvent plus manger, dans des pays qui, en principe, devraient produire de quoi les nourrir. Oui, bah déjà, ça se traduit à la base... Enfin, on pense à la Grèce, l'Espagne... Déjà, moi, je pense qu'à la base, ça se traduit par un système fondamentalement inégalitaire, où il y a des riches et des pauvres, des puissants et des gens qui doivent trimer pour vivre. Donc déjà, à la base, il y a ça. Ensuite, il y a l'exploitation. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler, j'allais vite, mais l'aliénation, qui consiste effectivement à devoir... J'appelle l'imaginaire qui est complètement addict à l'argent. Voilà. Et puis, le fait que il y a un certain nombre de gens qui, tout simplement, doivent avoir leur vie dédiée au travail ou en tout cas au fait de trouver des moyens de survivre. Et ensuite, évidemment, à partir de là, il y a aussi justement la crise comme expression des difficultés que peut rencontrer ce système de temps en temps à continuer à créer de la valeur. Et du coup, les conséquences sociales de cette crise et ces conséquences sociales qui peuvent être énormes dans les pays, effectivement, comme la Grèce ou l'Espagne. On va passer aux émergences de solutions. Dernier chapitre. Après ce tableau éclairant de ce que nous vivons actuellement, qui est complexe, mais on a bien vu se dégager à partir de votre livre « Crise au pluriel », les lignes de force qui sont à l'œuvre. Alors, quelles sont les façons de s'en sortir autrement que par la violence ? Ah bah, autrement que par la violence, je sais pas, parce que à mon avis, la violence du monde, c'est pas nous qui la choisissons, elle nous est imposée. Donc, d'une certaine manière, je crois que quand les gens se révoltent, ils sont tout de suite en butte à la répression d'État, et par conséquent, je crois pas qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, prétendre pouvoir être pacifique ou pacifiste, parce que quand vous êtes en butte à la répression, il faut bien aussi trouver une manière. Et puis, la puissance de l'État, c'est quelque chose d'assez formidable quand même. Mais au-delà de ça, j'aurais juste insisté sur un point, c'est que je dis pas effectivement. Alors, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais dans ce livre qui critique, enfin qui est une vision très critique du capitalisme, il n'y a pas de point de vue très clair sur comment on dépasse cette chose-là. Oui. Bon, c'est une volonté. C'est-à-dire que j'aurais pu effectivement continuer en donnant des pistes. Des petites pistes. Voilà. Si j'ai pas voulu le faire, c'est parce que pour moi, l'objectif de ce livre, c'est justement de pouvoir être réapproprié par un certain nombre de gens qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue et qui peuvent essayer. Toute lutte, pour moi, c'est une piste, au fond. Enfin, les luttes de classe, d'une manière générale, c'est ça, la piste. Donc, du coup, je sais pas, après, plus concrètement, on peut en détailler certaines et détailler certains éléments. C'est ce que je fais aussi par ailleurs. Mais je veux pas non plus que dans ce livre, on puisse penser que seule cette manière-là serait la bonne manière pour s'en sortir. Par contre, il y a dans le livre les éléments pour critiquer un certain nombre de choses, y compris certaines des pistes qui peuvent être prises. Après, voilà, c'est une critique, elle peut être constructive aussi. Mais... Oui, mais je pense à tous les petits groupes qui essaient de faire autrement. Je pense actuellement au Carré Rouge canadien. Oui, la révolte des Canadiens. Bon, ils sont en train de construire aussi autre chose. Il y a tous les groupes qui essaient de produire des monnaies locales qui commencent à se développer en France, après avoir pris une extension importante aux États-Unis. Surtout en Grande-Bretagne. Il y a tous ces groupes écologiques, les éco-villages qui se créent avec des rapports différents avec la nature et avec les gens entre eux. Mais ça paraît tellement dérisoire par rapport à l'ampleur. Oui, c'est surtout que le problème, en fait, c'est que tant que le capitalisme existe en tant que mode de production, il existe aussi parce qu'il existe des classes sociales, c'est-à-dire d'un côté effectivement une classe capitaliste, de l'autre un prolétariat très très large, très très fragmenté, très très divisé, et qui en plus a connu... Qui lui aussi n'est plus tellement lisible maintenant. Oui, qui a connu depuis les années 70-80 de grands changements, et qui est extrêmement fragmenté. Mais je pense que le problème, c'est que toutes les tentatives qui peuvent être faites actuellement, elles vont forcément se faire au sein d'une société qui est une société de classe. Et du coup, forcément, elles sont elles-mêmes l'expression d'une certaine position, même si c'est une position au sein du prolétariat, mais une position qui peut être parfois une position privilégiée. Et c'est ça que je trouve extrêmement gênant dans un certain nombre de tentatives alternatives, c'est qu'au fond, elles expriment quand même les aspirations, les points de vue et les solutions possibles de gens qui sont issus d'une certaine frange du prolétariat, les classes moyennes, carrément, le plus souvent. Les bobos. Les classes moyennes, etc. Bourgeois bohème. Pas forcément des gens qui sont bourgeois, hein. D'ailleurs, bobo est un peu... Mais non, des gens qui, pour moi, sont des prolétaires. Mais par contre, sont des prolétaires issus d'une catégorie très précise, qui est une catégorie classe moyenne, qui est quand même... dans le prolétariat relativement privilégié, même si justement la crise est en train de saper tous ces privilèges, mais bon, bref. Et donc effectivement, elle exprime d'une certaine manière cette révolte, et cette révolte qui s'exprime d'une certaine manière, à partir du moment où elle se développe dans le monde du capital, et forcément, elle prend des traits d'une certaine classe. Non, je pense pas que ça soit pourri, parce que je pense que c'est normal, quand on se révolte contre le capital, quand on se révolte contre ce monde, c'est normal d'essayer d'imaginer des solutions. Mais je pense que par contre, c'est très important que cette critique soit là pour que les gens aient conscience du fait qu'ils peuvent pas finalement arriver à une solution là maintenant, tant qu'il existe à la fois l'État, les banques, l'argent et compagnie. Donc moi, je pense que c'est uniquement dans la lutte de classe fondamentalement, que peut se trouver cette solution. Après, ces luttes, je suis pas... Elles prennent une forme ou une autre. Oui, et puis d'abord, elles prennent des formes extrêmement diverses. Ensuite, je suis pas naïf. Je sais que le prolétariat n'est qu'une classe du capital, et que bien souvent, les luttes de classe, au fond, elles oscillent entre deux possibilités. D'une part, simplement reconduire le monde du capital, somme toute. C'est-à-dire que... C'est ce qu'on a vu jusqu'au moment. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et d'autre part, une autre possibilité que je crois qu'elles possèdent également, qui est finalement de le remettre en cause quand même. Donc, elles sont toujours évidemment... Ambiguës. elles sont ambiguës, elles sont des luttes dans un monde, donc elles expriment ce monde, et elles expriment aussi ce que ce monde est, mais elles ont peut-être aussi la capacité de le remettre en cause. Donc ça, c'est vrai que je le développe pas dans Crise, hein, c'est développé dans d'autres textes. Moi, je participe à une revue qui s'appelle SICR, donc c'est SIC, S-I-C. S-I-C. SIC, mais c'est pas un acronyme, hein, voilà, c'est ainsi. D'accord. Et c'est une qui développe les théories qu'on appelle de la communisation, qui sont justement une vision de la révolution possible, la révolution communiste possible dans le monde actuel. Je précise tout de suite que communiste, évidemment, ça veut pas dire Union soviétique. Hein. C'est bien clair dans le livre, je dis que tous les pays dits communistes sont des pays capitalistes d'État. Donc il s'agit bien entendu de quelque chose de complètement différent. Et la forme parti, la forme léniniste, etc., tout ça me semble complètement dépassé actuellement. Donc la vision qu'on a de la révolution, elle est complètement différente. Mais en tout cas, bon, après, il y en a d'autres, des visions possibles de la révolution. Mais ce que je pense quand même, c'est que il n'y a véritablement révolution et changement que si on dépasse totalement non seulement l'État, les classes sociales, mais aussi la valeur. C'est pour ça, par rapport au sel et aux différentes tentatives de monnaie locale. Je pense que le problème avec ces tentatives, c'est que finalement, en recréant de la monnaie, hein, même si c'est une monnaie locale, on recrée de la valeur. Et somme toute, on ne se débarrasse pas de la valeur. On la reconduit en quelque sorte. Alors c'est vrai qu'on la reconduit pas dans les formes qui sont les formes du capitalisme contemporain, du capitalisme financier contemporain. C'est-à-dire mais le signe de domination n'est pas voilà, le même. Voilà, le signe de domination n'est pas le même. Il est plus coopératif quand même. Le signe de domination est plus coopératif, mais il est là. Et à partir du moment où il est là, on n'a pas dépassé finalement ce que j'appellerais en quelque sorte la vision du monde capitaliste. On pourrait presque dire la Weltanschauung du capitalisme. C'est-à-dire que finalement, on reste quand même dans la notion de valeur, d'échange, et somme toute, on ne fait que essayer d'autogérer, de gérer soi-même ce qu'on est dans le monde du capital, c'est-à-dire des travailleurs, des gens qui sont assignés quand même à être exploités. C'est un peu comme l'autogestion, quoi. C'est un peu l'auto-exploitation. Bah là, on va avoir, au lieu d'avoir un signe de valeur qui effectivement est estampillé par la Réserve fédérale américaine ou par la BCE, on va avoir un signe de valeur qui vaut pour quelques personnes. Mais on aura singé d'une certaine manière, reconduit d'une certaine manière, ce qui est déjà le fondement, enfin un des fondements du monde capitaliste. Et je pense que la rupture, elle va beaucoup plus loin que ça. Alors, c'est pas, je dis pas ça pour que les gens le fassent pas. Hein. Je veux dire, si à faire des systèmes d'échange monétaire locaux, on peut y gagner, tant mieux. Mais je crois aussi qu'il faut avoir conscience des limites de ces tentatives et du fait que, pour moi, le dépassement de la valeur, c'est véritablement le partage et la coopération sans signe de valeur, c'est-à-dire sans que finalement, ça soit ce que vous avez travaillé, ce que vous avez amené comme travail, qui soit compté, comptabilisé pour devenir ensuite la base de ce à quoi vous avez droit. Le partage de la coopération dans le communisme, à mon avis, ça se passe de cet instrument-là. Alors comment concrètement on le fait, ça j'en sais rien. Je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui peut se créer par une pratique sociale, c'est pas quelque chose que un auteur ou même 10 auteurs ou 50 auteurs géniaux peuvent écrire dans les bouquins. Mais en tout cas, au moins, le fait de critiquer le capitalisme me donne cette boussole, cette idée-là, que tant qu'on n'a pas dépassé la valeur, finalement, on est resté dans des catégories qui sont semblables à ce qu'il est lui-même et à la manière dont il nous a créés. Eh bien, après ces explications, qui, je l'espère, vous auront éclairé, je vous conseille de lire le livre de Léon de Matisse, « Crise », que vous trouvez chez Coularoux ou n'importe quel libraire correct, édition Entremonde. Et je vais terminer tout simplement par cette allusion. Depuis la Boétie, nous ne sommes pas sortis de la servitude volontaire. Voilà, mais je pense que volontairement, on peut essayer d'en sortir quand même. C'est peut-être utopiste, ça, non ? Mais on ne peut s'en sortir que par l'utopie. Si l'utopie qui n'est pas un rêve moteur et si on ne rêve pas autre chose, on ne peut rien créé. Je suis d'accord, mais elle est concrète en ce sens que les luttes sont réelles et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent pas et qui peuvent pas accepter, par exemple en Grèce, le sort qu'on leur fait. Donc c'est quand même ça c'est pas d'utopie, ça c'est bien réel. Que 1000 utopies surgissent. Rêver demain pour construire. À l'heure noire, se lever pour y voir clair. Je n'ai pas peur.